À droite, il y a de l'eau encore là. Ici, il y a un passage d'eau. Et là, par où je suis passé, ça va à peu près en termes de... Si oui, on peut...